On va commencer, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On va commencer le cours numéro 22 aujourd'hui, dans l'explication du livre de Cheikh l'imam al-Sabouni, avec le charh du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Et on est toujours dans l'explication du sujet de l'istiwa al-arsh. L'istiwa al-arsh, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé sur son trône. Ça fait partie de ses attributs, des attributs d'action. Et il y a des égarés parmi les gens qui ont dévié dans cette question des attributs d'Allah, qui nient cet attribut-là, et qui nient aussi, pas seulement cet attribut, mais d'autres attributs également, comme par exemple les attributs d'action en général. D'accord? Donc le fait que ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier tiers de la nuit, ou qu'il s'élève au-dessus de son trône, ou bien le fait qu'il vient au jour de la résurrection. Il y a des exemples d'attributs comme ça, et des attributs de l'être aussi qu'il nie, comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'est décrit avec le fait qu'il a deux mains, le fait qu'il a deux yeux, le fait qu'il a un visage, hein, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de gens de bid'ah qui nient ça. Et la raison, on l'a expliqué pourquoi ils nient ça, c'est parce qu'ils prétendent que, ou ils craignent que ça implique une ressemblance entre Allah et sa créature. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de raison de craindre ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul basir. » Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Donc tout attribut qui peut faire croire à quelqu'un ou faire penser à quelqu'un qu'il y a une ressemblance quelconque, en réalité, c'est il n'y a pas de raison de craindre ça, puisque l'attribut d'Allah, hein, c'est l'attribut d'Allah, hein, l'attribut du Créateur, c'est l'attribut du Créateur, et l'attribut de la créature, c'est l'attribut de la créature, et les deux sont différents, puisque Allah, il est parfait, ses attributs sont parfaits. Et la créature, elle n'est pas parfaite. Et ses attributs sont, hein, correspondent à la réalité de la créature. Donc, ici, on était rendu au point où le cheikh, il dit, l'imam al-Sabouni, il dit, « Wa qala rahimahullah » Donc, cheikh Rabi, il dit, « Qala rahimahullah » C'est-à-dire, il a dit, hein, que Allah lui fasse miséricorde, en parlant de l'imam al-Sabouni. Donc là, il cite un passage de ce qu'il a dit dans son livre. Et là, c'est la phrase suivante. Il dit, « Wa qala rahimahullah wa yutliquna ma atlaqa ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi ala al-arsh wa yamurrunahu ala zahirihi. » يعني الأئمة متفقون على أن النصوص يجب أن تبقى على ظاهرها حتى يوجد ما يصرفها عن هذا الظاهر. فهل يوجد ما يصرف هذه النصوص عن ظاهرها؟ لا يوجد أبدا، بل بلغت الأدلة إلى ما لا يحصى. فابن القيم رحمه الله ساق 50 حديثا فيها الصحيح وفيها الضعيف تتضمن إثبات علو الله تعالى، وذكر ما لا يقل عن 1000 دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق جميع خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى. وكما أكدنا وكررنا أن العقول والفطر تدل على ذلك، وخالف في ذلك هؤلاء السفهاء من أهل الضلال. نعم. Donc ici le cheikh, il explique que l'imam al-Sabouni, il dit que yani, les salafs et les gens, les ulama du hadith, ils ont affirmé et employé à propos d'Allah yani, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné lui-même dans son livre à son sujet, parmi les exemples du fait qu'il a mentionné qu'il est élevé au-dessus de son trône. Et ils prennent ces textes qui parlent de Al-Istiwa dans leur sens apparent, c'est-à-dire les hadiths, les versets qui parlent de Al-Istiwa et les hadiths qui parlent de Al-Istiwa. Les ulama de hadith et les salafs, ils ont pris ces textes dans leur sens apparent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de les déformer de leur sens apparent, et ils n'ont pas essayé de dire, comme certains égarés par exemple, comme les Jahmiya et les Mu'tazila, que ce sont des versets qui sont symboliques ou allégoriques et qui ne sont pas réels. Non, les salafs, ils ont dit ça, c'est des versets qui sont dans leur sens réel, leur sens apparent. Et on n'a pas le droit de les faire sortir de leur sens apparent. À moins qu'il y aurait un dalil, à moins qu'il y aurait un dalil pour dire que ce verset-là, il n'est pas dans son sens apparent. Et ce dalil, il devrait être un dalil du Coran ou de la Sunna. Or, comme le cheikh il le dit, il dit les imams sont tous d'accord qu'il est obligatoire de prendre les versets et les hadiths dans leur sens apparent, excepté s'il y a un dalil qui vient les sortir de leur sens apparent. Et il dit, et est-ce qu'il y a un dalil, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve parmi les textes qu'on peut prendre ou les faire sortir ou les détourner de leur sens apparent? Le cheikh il dit, non, il n'y en a pas du tout. Il n'y a aucune preuve qui prouve qu'on puisse faire sortir les versets qui parlent des attributs d'Allah de leur sens apparent. Il dit même que les preuves de l'affirmation des attributs d'Allah ont atteint un degré innombrable, c'est-à-dire on ne peut même pas les calculer tellement qu'il y en a. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a mentionné à propos de Al-Istiwa par exemple, il dit, il a mentionné plus que 50 hadiths. Ils ont tous il y a différents degrés d'authenticité. Certains d'entre eux qui sont authentiques, sahih, d'autres qui sont faibles. Et tous ces hadiths impliquent l'affirmation du fait que Allah est au-dessus de sa création. C'est-à-dire al-ulou, ulouullah, yani l'élévation d'Allah. Et le fait qu'il est au-dessus de sa création, élevé au-dessus de sa création. Et il a mentionné pas moins de 1000 preuves au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création et qu'il est au-dessus des cieux, hein, et qu'il est élevé sur son trône. Donc ça veut dire 1000 preuves. Ça c'est qu'est-ce qu'il a mentionné l'imam Ibn al-Qayyim dans par exemple un de ses livres qui est As-Sawa'iq al-Mursala. As-Sawa'iq al-Mursala. C'est un livre vraiment yani, merveilleux, un livre vraiment bénéfique de l'imam Ibn al-Qayyim, dans lequel il réfute les gens de Bid'a, les Mu'attila et les Jahmiya. Donc, As-Sawa'iq, c'est le pluriel du mot Sa'iqa. Sa'iqa qui veut dire la foudre. Hein? La foudre envoyée. La foudre qui a été envoyée. Al-Mursala. Ala al-Jahmiya wal-Mu'attila. C'est ça le titre. Et les ulama, hein, souvent dans leurs titres, ils avaient l'habitude de chercher des titres comme ça qui sont un peu poétiques et aussi un peu qui a une rime dedans. Hein. Donc tu vois par exemple As-Sawa'iq al-Mursala ala al-Jahmiya wal-Mu'attila, ça rime. Hein, et il y a une image dedans. Il y a la foudre qui tombe sur les gens de Bid'a. Hein, et qui les foudroie. Et on parle bien entendu des preuves qui sont dans ces livres-là qui les frappent comme une foudre lorsqu'ils les entendent. Un autre livre qu'il a écrit, et le cheikh il va en parler par la suite, Ijtima' Juyush al-Islamiyya. Hein, c'est-à-dire le rassemblement des armées de l'islam. Yani, subhanallah, tu lis le titre, tu as l'impression que c'est un livre qui va parler de la guerre. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait dans ce livre-là, l'imam Ibn al-Qayyim, il ramène toutes les différentes citations des ulama, génération par génération, qui ont affirmé le fait qu'Allah est sur son trône et qui réfutent les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira qui ont dévié sur ce sujet-là. Donc, génération après génération, c'est comme s'il dit toutes les armées des ulama se sont réunies à travers les siècles pour affirmer la aqidah des salaf. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Et tu vois que il y a beaucoup d'ulama à notre époque, alhamdoulilah, qui défendent la aqidah des salaf, la aqidah des sahaba et des tabi'in et des tabi'at tabi'in et des imams de la religion. Alhamdoulilah, il y en a beaucoup. Mais quand tu lis les livres de l'imam Ibn al-Qayyim ou Ibn Taymiyyah, tu sens que les explications, c'est comme si on dirait, les explications des ulama aujourd'hui, quand tu lis leurs livres, leurs explications sont claires, sont bénéfiques. Mais les explications des ulama comme Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, c'est comme si c'était du concentré. Hein? Et les ulama d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les explications des grands ulama comme Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, puis ils les adoucissent pour nous, pour qu'on puisse les comprendre plus facilement, pour qu'on puisse les digérer plus facilement. Donc, ils prennent des exemples, ils ramènent quelques exemples, puis ils l'expliquent aux musulmans aujourd'hui dans des termes plus simples. Mais quand tu lis les livres d'Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, c'est plus puissant encore, leurs paroles. C'est pour ça que les gens de Bid'a, ils ont tellement peur que des gens lisent les livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Et souvent, ils vont mettre en garde contre eux. Depuis le début, hein, quelqu'un qui va, par exemple, rentrer avec eux dans leur secte, tout de suite, il leur dit, fais attention, lis jamais les livres d'Ibn Taymiyyah. Lis jamais les livres d'Ibn al-Qayyim. Hein? Et là, il y en a d'autres qui disent, non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas peur de lire ces livres. Hein? Il y en a qui disent, non, j'ai pas peur de lire ces livres. Je dis, non. Ibn Taymiyyah, c'est pas pareil. C'est pas comme les autres. Et Ibn al-Qayyim, c'est pas comme les autres. Eux, là, leurs livres sont puissants. Si tu lis ça, hein, tu risques de comprendre la réalité. Donc, ils veulent pas que les gens lisent ces livres-là pour justement qu'ils comprennent pas la réalité de la aqidah des salafs et qu'est-ce que les ulama de l'islam ont clarifié. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné ce don de clarifier les choses de façon claire et de ramener les preuves. Allah leur a donné une intelligence particulière. Donc tu lis les livres de ces imams-là, alors aujourd'hui, t'as l'impression que c'est des imams qui ont vécu aujourd'hui, dans le sens que leur façon d'expliquer, c'est tellement, tellement clair, et tellement, tellement puissant en même temps, tu dis, subhanallah, hein, c'est des gens qui avaient une intelligence remarquable, c'est incroyable. Et il y en a beaucoup d'autres imams comme ça dans la religion, mais les livres de ces imams-là, subhanallah, sont très, très, très bénéfiques. Sont très, très, très bénéfiques, alhamdoulillah. Et donc, le cheikh, il dit, on a confirmé ce principe-là et on l'a répété. Le fait que les preuves du Coran et la Sunna, ils affirment l'élévation d'Allah sur sa création, de même que la raison et la fitra, Fitra, c'est-à-dire la nature saine, qui est musulmane à la base. Eh bien, ça, c'est une preuve aussi du fait que Allah est au-dessus de sa création. Les êtres humains sont créés sur ils ont cette conviction-là dans leur âme depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils viennent au monde, ils savent que Allah existe et qu'il est au-dessus de sa création. Et il dit, les gens les faibles d'esprit et les gens de l'égarement, eux, ont contredit cette aqidah. Après, le cheikh, il dit, « وَيَكِلُونَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ » Donc, c'est ça, en fait, ça, c'est un point important ici, que quand le cheikh, il dit, « وَخَالَفَ ذَلِكَ هَؤُلَاءَ السُّفَهَاءُ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ » C'est que même parmi les musulmans, par exemple, si tu vois des gens qui n'ont pas étudié la aqidah, si tu vois des musulmans qui n'ont pas étudié la aqidah salafia, d'accord, dans n'importe quel pays sur terre, si tu viens les voir, tu leur lis les versets du Coran qui parlent de la foi en Allah et qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône, par exemple, tu dis, par exemple, le verset dans Surah Taha, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, ou bien un autre verset dans une autre Surah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, yani thumma istawa ala al-Arshi. N'importe quel musulman, qu'il soit illettré, même s'il a jamais lu un livre de sa vie, même s'il a jamais étudié la religion, tu lui dis ces versets-là, il va accepter. Il va croire en ça parce qu'il voit que c'est la parole d'Allah. Il n'y a pas de doute que c'est clair. Sauf si tu vas aller voir quelqu'un qui a été corrompu avec la aqidah des Ash'ara ou la aqidah des Jahmiya, et tu lui récites ces versets-là, c'est là qu'il va commencer à vouloir débattre ou argumenter avec toi. Et commencer à dire, non, il ne faut pas dire ça, c'est pas ça que ça veut dire. Hein? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là, à la base, le musulman qui est sur la fitra, il entend cette aqidah, il la reconnaît, il l'accepte directement. Mais celui qui a été corrompu par les idées de ces groupes, de ces sectes, qui ont dévié au sujet des noms d'Allah et de ses attributs, c'est à ce moment-là qu'il commence à vouloir remettre en question les versets qui parlent de la foi en Allah et qui expliquent le fait qu'Allah s'est élevé sur son trône et qu'il est au-dessus de sa création parce qu'ils ont été corrompus par ces philosophies qui ont déformé l'essence de la parole d'Allah et qui ont fait croire aux gens autre que ce que Allah a dit ainsi que son messager. Donc c'est ça le danger en fait d'être corrompu par des fausses croyances. Après le Cheikh il dit « وَيَكِلُونَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ وَرَضِيَهُ مِنْهُمْ فَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِهِ وَقَدْ سَبَقَ لَكُمْ أَنَّهُ قَالَ يعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه فقد يفهم بعض الناس من قوله ويكلون علمه إلى الله أنه يريد تفويض المعنى لا هو لا يريد هذا إنما يريد هنا علم الكيفية فالذي يكلونه إلى الله هو علم الكيفية أما الاستواء فيقطعون بأنه أمر ثابت لله عز وجل وأما كيفية هذا الاستواء فيكلونه إلى الله لا يعلمه إلا الله وكذلك سائر صفاته نؤمن بأنها حقائق ثابتة لله ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فنؤمن بالصفات ونثبتها له ونؤمن بها إيمان وجود وحقيقة ولكن الكيفيات يجهلها الناس جميعا ولهذا قال مالك رحمه الله كما سيأتي الاستواء معلوم والكيف مجهول نعم قطعا ربنا استوى على العرش وهو فوق السماوات وعلى العرش سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به كيف هذا الاستواء والله ما ندري هذا لا يعلمه إلا الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه ويثبتنا على دينه الحق وعلى ما كان عليه سلفنا الكرام من الصحابة العظام ومن تبعهم من أئمة الإسلام إن ربنا لسميع الدعاء. Donc ici le cheikh il explique que l'imam al-Sabouni il dit ensuite que les imams des salaf et les imams du hadith ils s'en remettent à Allah c'est-à-dire en ce qui concerne le commun des noms et des attributs d'Allah, ils s'en remettent à Allah, c'est-à-dire ils affirment croire en ces noms-là tels qu'ils sont et yani, ils ne cherchent pas à savoir le commun. Puis le cheikh, il a cité le verset, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. Ça, c'est ce que disent les ulama et les imams. Et c'est le verset 7 dans Surat Al-Imran. Donc ceux qui croient, les ulama qui sont fermement enracinés dans la science et ancrés dans la science, ils disent, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur, mais c'est seulement ceux qui détiennent la raison qui s'en souviennent. Et le cheikh, il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe donc dans ce verset-là que les gens de science qui sont fermement enracinés dans la science, ils disent cela. Et Allah a été satisfait d'eux et il a fait leurs éloges. Et donc, on a déjà mentionné dans le verset, pas dans le verset, mais dans un passage précédent par rapport aux paroles de l'imam As-Sabuni, que l'imam As-Sabuni a dit, et les gens du hadith, ils croient avec conviction, ils témoignent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des sept cieux, au-dessus de son trône. Et donc, certaines personnes pourraient essayer de comprendre dans la parole de l'imam As-Sabuni qu'on a lu maintenant, juste avant, quand il dit on s'en remet à Allah, hein, ou à la science d'Allah. Yani, on remet la science de cela à Allah, en voulant dire, on remet la signification, hein, de ces attributs-là, ou de ces versets-là à Allah. Et le cheikh, il dit non, c'est pas ça que ça signifie. C'est pas qu'on remet la signification de ces versets-là à Allah. Parce que, à l'istiwa, la signification, elle est connue. Hein? Mais qu'est-ce qui n'est pas connu de nous? C'est le comment, la connaissance du comment. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé sur le trône? Ça, on ne le sait pas. Hein? C'est ça qu'on ignore. Et donc, en ce qui concerne de Al-Istiwa, eh bien, on l'affirme. On l'affirme et on dit que ça, oui, c'est effectivement quelque chose qui est affirmé à propos d'Allah. En ce qui concerne le comment des attributs d'Allah, eh bien ça, on s'en remet à Allah là-dessus, parce que personne ne sait comment il s'est élevé sur le trône, ou comment sont le reste de ses attributs, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, lui seul, qui sait comment sont ses attributs, et comment sont ses noms. Et le cheikh, il dit, de même que le reste des attributs aussi, on dit, ce sont des réalités qu'on affirme à Allah. Mais le commun de ces attributs-là, personne ne le sait excepté Allah, et donc nous y croyons et nous les affirmons. Et nous croyons en ces attributs-là en disant que oui, elles existent et qu'elles sont réelles, mais le commun, les hommes ne peuvent pas le savoir. Même, il y en a tous les créatures, tous les êtres humains les ignorent, le commun de ces attributs-là, et ils ne peuvent pas le connaître. Le commun, c'est seulement Allah qui le connaît. Comme l'imam Malik, on va le mentionner plus tard aussi, l'imam Malik, il a une citation qui est célèbre, et il dit dans cette citation, l'istiwa, c'est-à-dire l'élévation, c'est quelque chose qui est connu, et le commun, c'est quelque chose qui est inconnu. On ne sait pas le commun. Donc ça, c'est une chose certaine. Notre Seigneur, il s'est élevé sur le trône, il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, de la manière qui lui convient. Et donc, comment est cette élévation sur le trône? On ne sait pas. Hein? C'est seulement Allah qui le sait. Et le cheikh, il termine ce passage-là avec une invocation. Il dit, on demande à Allah de nous donner la compréhension dans la religion et de nous raffermir sur sa religion de vérité et sur ce que suivaient nos nobles salafs, parmi les sahabas, et ceux qui les ont suivis parmi les imams de l'islam. Et certes, notre Seigneur exauce les invocations. Donc ça, ce passage-là, il est très bénéfique. Et il faut comprendre une chose aussi, c'est parce que peut-être que lorsque quelqu'un il étudie les livres et les paroles des salafs sur ces sujets-là, et qu'il n'a jamais rencontré un innovateur ou un mubtadi', parmi les gens de bid'a qui, justement, nient les attributs d'Allah. Alhamdulillah, c'est mieux comme ça. C'est-à-dire que tant que tu les as pas rencontrés et qu'ils n'ont pas commencé à essayer de te mettre des shubuhat sur ces questions-là, alhamdulillah, remercie Allah qu'il t'a épargné d'être éprouvé par ces gens-là. Mais le jour où tu vas les rencontrer, si jamais tu les rencontres et que Allah t'en préserve, eh bien tu vas être prêt. Tu vas être prêt parce que tu as étudié cette aqidah. Tu as étudié les versets du Coran qui parlent des attributs d'Allah. Tu as étudié les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent des attributs d'Allah. Et tu as étudié également les citations et les paroles des salafs qui parlent de ces attributs d'Allah et qui les affirment. Donc si lui, il vient ce mubtadi'a pour essayer de te déformer, de te dévier ou de te déformer dans ta compréhension, de t'égarer dans ta compréhension de la aqidah, eh bien tu vas être prêt. Tu vas savoir que cette personne, elle est en dehors de la voie des salafs et qu'elle contredit la position des salafs. Parce que tu l'auras étudié. Il y a beaucoup de gens, tant qu'ils n'ont pas été mis dans cette situation-là, ils ne réalisent pas l'importance d'apprendre ces choses-là. Ils disent, mais à quoi ça sert d'apprendre ça? À quoi ça sert de lire ça? Ou à quoi ça sert d'étudier ça? Jusqu'au jour où ils sont face à face avec des gens de bid'a comme eux et qu'ils entendent ces shubuhat avec leurs propres oreilles. Alors, moi je me rappelle, ça m'est déjà arrivé, subhanallah, quand j'étais, j'étais dans le métro la première fois, subhanallah, que j'ai rencontré quelqu'un de cette voie d'égarement là. Et quand je l'ai entendu parler, j'en croyais pas mes oreilles. Parce que des fois, tu lis les livres des ulama, tu écoutes les explications des ulama, t'as l'impression que ça, c'est quelque chose qui existe seulement dans les livres. Des fois, certaines personnes peuvent s'imaginer, ah, mais ça, c'est des choses que les gens mentionnent, des choses du passé. Il y a personne qui dit ça aujourd'hui. Effectivement, beaucoup de gens pensent ça, mais le jour où tu vas le rencontrer, tu vas voir que c'est des idées que des gens ont aujourd'hui encore, mais même dans certains pays, beaucoup de gens pensent comme ça. Et c'est choquant la première fois que tu le vois. La première fois que j'ai rencontré un soufi qui me dit qu'il a dit qu'il croyait au Rijalul Ghaib, les hommes de l'invisible, qui contrôlent l'univers en dehors d'Allah. Et qui me disait, oui, ça c'est vrai, ça existe. J'ai dit, subhanallah. Tu vois? Tu penses que ces gens, que les ulama de l'islam, quand ils te mettent en garde contre des égarements, tu penses que ça, c'est des choses qui n'existent pas? Non. Tout ce qu'ils mentionnent, les ulama, ça existe. Même quand ils mettent en garde contre l'adoration des tombes, des saints et des morts, que des gens prient à des tombes et à des morts. Parmi les gens qui se disent musulmans, il y a des gens qui font ça. Toi, tu lis ça dans les livres, tu dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que dans les pays musulmans, il y a des gens qui adorent des tombes et qui prient à des morts? C'est presque inconcevable. Mais lorsque tu vois ça avec tes propres yeux, tu l'entends, des gens qui disent des choses de ce genre, c'est choquant. Je me rappelle une fois, j'étais aux États-Unis. Pendant un certain temps, j'ai habité au New Jersey pendant quelques mois. Et j'ai enseigné dans une école. Et il y avait une boucherie là-bas, dans le quartier, une boucherie halal. Et un des employés qui travaillait là-bas, c'est un frère qui venait de l'Algérie. Et il avait fait venir son père en visite pour le visiter. Alors j'étais assis un jour dans la mosquée et son père, il était assis. Et donc on discutait un peu. Et étant donné qu'aux États-Unis, les gens sont anglophones en général, donc le père de ce frère-là, il était content de pouvoir discuter avec moi parce que moi je parlais français. Alors on commençait à discuter. Puis là, je l'entendais, il commençait à dire des choses bizarres. J'ai dit « Subhanallah ». Il m'a dit, tu sais, en Algérie, il y a des tombes, les gens ils vont là-bas quand ils sont malades. Il demande à la tombe pour les guérir et ça marche. Il dit, oui, ça marche. J'ai dit, Staphron, qu'est-ce que tu racontes? J'en croyais pas mes oreilles. C'est comme si j'étais comme... Moi, même s'il n'y avait rien, je confirme que ça serait... Subhanallah. La question, est-ce que ça fait du pays Non, c'est pas... Le pays, c'est un pays musulman. Même s'il y a, même s'il y a certaines manifestations de shirk dedans, tu ne vas pas dire que c'est un pays de kofr ou un pays de shirk. Mais il y a des manifestations de shirk dedans. Il est important d'éduquer les musulmans et de leur... Surtout la vieille génération. Oui, mais c'est ça. Il faut qu'il y ait une da'wah. Il faut qu'il y ait une éducation. Alhamdulillah, il y a des shuyukh, il y a des ulama. Et il y en avait même dans le passé. Hein? Et il y en a encore toujours. Il y a Ibn Badis, et il y a Ibrahim al-Bashiri, et al-Urtilani, et beaucoup d'autres. Il y en a parmi les chouyoukhs algériens. Il y avait Jam'iyat al-Ulama, l'association des grands, des ulama de l'Algérie. Il y en a, donc, je veux dire, il y a des gens qui sont là, qui connaissent le tawhid, qui connaissent la sunna, qui peuvent enseigner aux gens. Et il y a des turcs soufis, il y a des khurafiyins, il y en a beaucoup de khurafiyins, il y a des turcs tijaniya et d'autres, l'Isawiya, eh oui, non, ça c'est connu. C'est connu en Algérie, il y a beaucoup. Même la le lieu de naissance de, par exemple, d'Ahmed Tijan, c'est Ain Mahdi. C'est une ville dans le sud de l'Algérie. Et encore aujourd'hui, il y a des turcs. Et à l'époque même de la colonisation, c'est ces Turcs qui ont beaucoup aidé les Français contre les musulmans en Algérie. Et la France leur a même donné des médailles pour les remercier de leur service à la France. Naam. À chaque fois, j'aime ça mentionner cette histoire de... comment ça s'appelait? Aurélie Picard. Hein, ils l'ont appelée la princesse des sables parce qu'elle a marié deux des descendants de la tariqa Tijaniya. Le premier, elle l'a marié et quand il est mort, elle a marié son frère. Puis, c'était une Française que ces chefs de la tariqa Tijaniya en Algérie qui l'a épousée. Et qu'elle est venue vivre en Algérie avec eux. Et c'est mentionné dans les livres d'histoire. Il y a beaucoup de choses étonnantes comme ça, tu trouves, dans qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est pour dire, Yanni, que ces différentes turuq soufiyas, parmi leur aqidah, les éléments qu'ils ont dans leur aqidah, c'est l'adoration des tombes, l'adoration des morts, la vénération des saints. Et ils pensent que ça, c'est correct. C'est ça leur aqida, que le mort là qui est dans la tombe, ils le prient pas juste parce qu'il est mort, ils le prient parce qu'il est un wali. Ils disent que c'est un wali. Même s'il est vivant, il y en a qui, pendant sa vie, ils font le shirk, et après sa mort, ils le prennent comme un intermédiaire avec Allah. Il l'adore en dehors d'Allah. Et donc, c'est dans sa vie, il croit qu'il est un wali, et après sa mort, et c'est la même chose. C'est vrai que Allah est là, mais personne ne les connaît. Non, c'est-à-dire qu'on peut connaître quelqu'un qui est un bon musulman. Et justement, le cours qu'on fait le jeudi, Ibn Taymiyyah, il a un bon livre à ce sujet-là, qui s'appelle « Al-Furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan ». Et il explique que la définition de « awliya » dans l'islam, c'est « al-mu'min al-taqi ». « Kullu mu'min al-taqi, fahuwa wali ». D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqoon ». Ça, c'est le ta'rif. Ça, c'est la définition du wali dans le Coran. Sauf que pour les soufis, le terme wali, il a une autre signification. Et cette signification-là, elle n'est pas basée sur le Coran, ni sur la Sunna. Elle est basée sur des khurafats, des superstitions, et des choses qu'ils ont inventées, et qu'ils ont copiées de la croyance des chrétiens. Hein? Les chrétiens, ils ont des saints, et ils ont des patrons. Dans la croyance des saints, en leurs saints, il y a des saints qui sont patrons de telle ou de telle chose. Et donc, quand ils ont besoin de quelque chose, quand ils ont un malheur, quand ils ont quelque chose, ils demandent aux saints. Hein, ils prient aux saints. Donc, en arabe, ils les appelaient des awliya. Et ils ont fait l'amalgame ou le mélange entre wali dans l'islam et wali selon la croyance des mouchriquins et des koufars. Et ils ont voulu faire un amalgame entre les deux. Il y a beaucoup d'éléments comme ça dans la religion. Quand des gens, par exemple, ils ont voulu faire introduire dans l'islam des pratiques et des croyances qui n'ont rien à voir avec l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des termes islamiques, du Coran et de la Sunna, puis ils leur donnent une autre signification que la signification qui est mentionné dans le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils utilisent les mêmes termes que nous, mais c'est d'autres réalités de qu'est-ce que nous on dit. Donc eux, quand ils parlent du wali, c'est autre chose. C'est pas le wali comme dans l'islam. Parce que pour nous, les awliya, c'est qui? C'est les prophètes, c'est les sahaba. Et c'est yani, les imams et les ulama de l'islam. Et tous les bons musulmans sur terre sont des awliya d'Allah. Et si tu n'es pas un wali d'Allah, tu es un wali du shaitan. Hein? C'est ça. Mais de croire que le wali, il a des pouvoirs magiques, il a des pouvoirs secrets. Hein? Des fois, je lisais par exemple dans un livre, il y a un cheikh qui a écrit un livre sur les croyances des soufis en leur saint, en leur awliya. Et tu lis ça, on dirait que tu es en train de lire les trucs de la guerre des étoiles avec les Jedi. Hein? Puis oui, non, c'est vrai, c'est exactement. Yanni, c'est presque de la science-fiction, qu'est-ce que tu lis dans ces trucs-là. Donc, tout ça pour dire, Yanni, que Il y a des musulmans qui ont ces croyances-là. Il y a des musulmans qui ont ces croyances-là. Et quand tu rencontres des musulmans qui ont des croyances comme ça, il faut savoir comment leur expliquer, comment leur clarifier la vérité, comment leur répondre quand ils ont des choubouhat et des ambiguïtés comme ça. Quand ils disent « Oui, mais ça marche !» Est-ce que le fait que tu prétendes que ça marche, ça veut dire que ça rend l'affaire halal? Ça veut dire que, supposons que les hindous, hein, ils ont une statue de Shiva ou de Vishnu, hein, et que cette statue-là, toute personne qui est malade, quand il la touche, devient guérie. Il va guérir, à condition qu'il l'adore. Est-ce que si c'était vrai que cette statue-là, si tu la touches, tu guéris, c'est Allah ce serait Allah qui a voulu ça. Parce qu'il n'y a rien qui se produit dans l'univers sans la volonté d'Allah. Mais si ça se produisait réellement, est-ce que ça justifierait le fait de vouloir l'adorer? Ou de justifier de l'adorer, cette statue? Parce que tu veux être guéri de la maladie? Hein? Il y a des gens, ils sont prêts à tout pour guérir d'une maladie, même de faire le shirk, même de vendre leur âme au shaitan, parce qu'ils pensent qu'ils vont rester éternellement sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire que des choses comme ça se produisent pour éprouver les gens et les tester dans leur foi. Et c'est l'exemple, par exemple, dans surat al-Baqarah, l'exemple de qu'est-ce que les deux anges ont enseigné, par exemple, à Harut et Marut, hein, à propos de la sorcellerie et de la magie. Et les deux anges ont dit aux gens, Yani, ne l'apprenez pas, parce que si vous l'apprenez, vous allez tomber dans le coffre. Et il les avertissait. Yani, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Il n'enseignait pas la sorcellerie à quelqu'un avant de leur dire, c'est seulement une tentation, une épreuve pour vous. Alors, ne tombez pas dans le coffre. Pour les avertir. Ok, tu veux apprendre la sorcellerie, on va te l'apprendre, sauf que tu vas être kafir. Et tu vas être dans l'enfer pour l'éternité. T'es d'accord? C'est ça le résultat. Si tu vois une idole, tu vas aller l'adorer, puis tu vas être guéri de ta maladie. Sauf que tu vas être dans l'enfer pour l'éternité si tu meurs sur ça. Tu vas accepter? Il y en a qui vont accepter. Il y en a qui vont accepter parce que la seule chose qu'ils voient, c'est la dunya. Et c'est ça qui compte pour eux. Et l'akhira, c'est pour eux, c'est peu important parce qu'ils ne le voient pas. Ils croient juste en ce qu'ils voient maintenant. Donc ils veulent le plaisir direct, présent, immédiat. Qu'est-ce qui est? Tout de suite. Qu'est-ce qui vient après? Ils ne le voient pas, donc ils le négligent. Alors que c'est la vie éternelle. Cette vie sur terre, elle est temporaire, elle est courte. L'au-delà, c'est éternel. Comment tu peux vendre ton au-delà pour ta dunya qui est éphémère? Donc c'est ça le sens insensé. Donc si tu vois quelqu'un qui te dit, ça marche, je suis allé faire du shirk et j'ai fait du kufr et ça marche, après j'ai été guéri. Est-ce que parce que ça marche, ça a marché, ça veut dire le shirk maintenant et le kufr, c'est correct? Donc ça veut dire tu vends ton âme pourquoi? Pour un petit peu de temps de plus sur terre? Et tu penses que c'est ça que ça vaut? L'éternité, tu le vends pour 5 minutes, ou 10 minutes, ou 10 ans, ou 20 ans de plus. Après, tu vas être dans ta tombe. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il éprouve les êtres humains comme ça. Des fois, c'est juste une coïncidence du fait que le mushrik, il a fait le dua à tel endroit ou à tel moment. Et il a été exaucé à ce moment-là. Allah avait prédestiné qu'il allait recevoir telle ou telle chose. Lui, il a fait le lien entre les deux. Il a dit, ah, j'ai demandé telle chose et je l'ai reçue. Quand j'étais là, devant l'idole, j'ai demandé et j'ai été exaucé. Ça veut dire que l'idole, elle exauce mes invocations. Alors, il pense que ça, c'est une preuve que... Elle exauce les invocations, cette idole. Alors il prend ça comme une preuve pour confirmer sa foi, alors qu'en réalité, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui le punit pour l'enfoncer encore plus dans son égarement, parce qu'il refuse de voir la vérité et il s'aveugle devant la vérité. Alors Allah, il l'enfonce encore plus dans son égarement à cause de ça. Allah musta'an. Donc c'est ça qu'il faut faire attention à ces choses-là. Et dans les pays musulmans, il faut qu'il y ait l'appel au tawhid, il faut qu'il y ait la da'wa. Il faut pas penser que parce qu'un pays est musulman, que ça veut dire qu'il est garanti d'être toujours sur la guidance à 100%. Et que dans les pays musulmans, il peut pas y avoir des égarements. Que dans les pays musulmans, il peut pas y avoir des bid'ah. Ou du shirk, ou du kufr même. Il faut faire attention. Parce qu'il n'y a aucun pays qui est à l'abri de l'égarement. Il n'y a aucun pays qui est à l'abri de l'égarement sur terre. Même la Mecque, même Médine, même les pays musulmans, tous les pays sur terre, même les lieux saints, il peut y avoir des égarements dedans. Il peut y avoir des bid'ahs dedans. Il peut y avoir des choses qui se passent qui ne sont pas correctes, contraires à la sunna. Donc, les ulama, ils l'ont dit, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé que avant la fin des temps, l'idolâtrie va revenir. L'idolâtrie va revenir parmi les musulmans. Il y aura des musulmans qui vont adorer des idoles. Parce que dans le hajj, tu vois des gens qui viennent de partout. dans toutes les, de toutes les régions, de tous les pays. Et il y en a parmi eux, c'est des mubtadi'a. Je ne sais pas ici, il y a peut-être 3 ou 4 ans, là, je ne sais pas si vous aviez vu, mais il y avait des gens qui étaient, qui étaient à Mecca et ils faisaient le wudu. Ils faisaient le wudu dans l'air, comme, si, comme ça, là. Sans, il n'y avait pas d'eau, mais ils faisaient semblant qu'il y avait de l'eau, puis ils faisaient le wudu comme ça avec de l'air. Il n'y avait rien. Et les gens venaient les voir, puis ils disaient. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas d'eau. Hein? Et la personne qui faisait la vidéo, qui filmait la personne, elle en a trouvé un qui était à côté. Parce que le monsieur qui faisait ça, c'était, je crois, un Indien de l'Inde ou du Pakistan, ou je ne sais pas de quel pays, mais c'était de ces régions-là, c'est-à-dire il n'était pas arabe. Donc quand il lui parlait, il ne comprenait pas. Mais à côté de lui, il y avait un monsieur égyptien qui parlait arabe et qui comprenait l'arabe. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais comme lui? Il a dit, mais je ne sais pas, je l'ai vu faire ça. Alors moi aussi, je pensais que c'était correct. Il a dit, ma'koul, est-ce que c'est logique que tu peux faire le wudu comme ça sans eau? Alors, le monsieur, Yanni, c'est juste pour vous dire, Yanni, il y a des choses que tu vas voir à la Mecque ou à Médine comme ça. Quand des gens voient une personne faire quelque chose, les gens, ils vont même pas se poser la question, ils vont commencer à l'imiter sans même savoir est-ce que qu'est-ce qu'il fait, c'est correct ou non. Parce que les gens sont comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils veulent juste suivre comme un mouton. Ils vont pas aller pour poser la question au ulama, est-ce que ça, c'est correct? Donc, si tu vois, par exemple, Yanni, Allah musta'an, quelqu'un va faire n'importe quelle chose. Il va passer, par exemple, pour rentrer dans la mosquée, il va commencer à caresser la porte. Ou caresser les piliers de la mosquée. Eh bien, il y a quelqu'un qui va venir derrière lui pour le faire aussi. Et là, tout le monde qui va passer là, ils vont commencer à faire ça eux aussi. Hein? Qui essaie de toucher. Voilà, c'est ça. Donc, les gens, si quelqu'un, il part à la Mecque ou à Médine, il n'a pas d'ilm, il n'a pas étudié la sunna, il n'a pas étudié les rites du hajj selon le Coran et la sunna, il va aller voir, il va arriver là-bas, il va voir des gens faire toutes sortes de choses, il va faire n'importe quoi. Plein de bid'ah. Comme tu dis, il y a plein de bid'ah. C'est pas parce que les gens font quelque chose que ça veut dire que c'est permis. Et j'ai remarqué ça. Hein, depuis que je me suis converti à l'islam, j'ai vu des gens faire des choses. Et alhamdoulilah, le frère qui m'a enseigné la religion au début, qui était un frère algérien, il nous a dit, tu fais rien, sauf si tu as un dalil, si tu as une preuve du Coran ou de la sunna. Il m'a dit, si quelqu'un te dit, tu dois faire ça, tu lui dis, c'est quoi le dalil? C'est quoi la preuve? Alors, quand tu vas faire ta religion de cette façon-là, tu es protégé en réalité. Si tu respectes ce principe-là, tu vas être protégé de l'égarement. Parce que pour chaque adoration, pour chaque chose que tu fais, tu vas demander un dalil. Une fois à Montréal, ici, je suis arrivé dans une mosquée, j'ai vu des gens faire une chose. J'avais jamais vu ça de ma vie. Yani, ils font une prière qui s'appelle Salat al-Tasbih. Et ils la font une fois par année, cette prière-là. Et dedans, yani, il y a plusieurs recours, plusieurs sujouds. En tout cas, ils le font en jama'a. Ça, j'avais jamais vu ça. Alors, il y a un frère qui m'a dit, hein, quelqu'un que je connaissais, c'est pas quelqu'un qui était sur la sunna, quelqu'un que je connaissais depuis des années. Yani, un monsieur sénégalais, et puis lui, il faisait ça. Il m'a dit, ah oui, ils vont faire cette prière, moi je vais aller la faire. J'ai dit, ça c'est basé sur quoi? J'ai dit, comment tu peux faire quelque chose si tu ne sais pas, c'est basé sur quoi? C'est quoi la preuve dans le Coran ou dans le Hadith? Est-ce que le Hadith il est sahih? Et en ce qui concerne cette question de Salat al-Tasbih, il y a beaucoup de divergences entre les ulama. à savoir est-ce que le hadith est sahih ou da'if. Il y en a qui le déclarent sahih, il y en a qui le déclarent da'if. Mais peu importe, même ceux qui le déclarent sahih, j'en ai jamais vu aucun parmi les ulama dire que ça, cette prière, elle se fait en jama'a. Jamais. D'accord? Donc, même si on disait que oui, ok, le hadith il est sahih, on peut le faire. Mais est-ce qu'on peut le faire en jama'a? Hein? Donc, c'est là que tu vois que des gens, des fois, ils dépassent la limite. Hein? Je me rappelle plus les détails, mais c'est que dans chaque partie de la salat, tu vas faire mentionner, tu vas faire le tasbih, comme tu vas mentionner Subhanallah, Subhanallah, un nombre de fois dans le qiyam, dans le recours, dans le sujoud. Mais je me rappelle plus exactement les détails. Il faudrait que je cherche. Puis dans le hadith, ça dit tu devrais le faire une fois dans ta vie, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année, ou une fois dans ta vie. Yani. Donc, il y a des ulama qui ont dit, il est sahih, d'autres qui disent qu'il n'est pas sahih. Mais, yani, c'est pour dire, et les soufis, ils ont inventé plein de salawat comme ça. Plein. Il y en a qui, comme celui, salat al-tasbih, il y a un hadith. Certains disent qu'il est sahih, d'autres qui disent qu'il n'est pas sahih. Mais il y en a d'autres, il n'y a aucun hadith qu'ils supportent. Et eux, ils le pratiquent, puis ils appellent les gens à le faire. Et il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas, ils vont commencer à faire ces choses-là. Donc ça, c'est dangereux. Le cheikh, il dit ensuite, si on va jusqu'à où il est rendu, il dit « Wa akhbarana » أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة حدثنا أبو المغيرة الحنفي حدثنا قرة ابن خالد عن الحسن عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. Donc ici, c'est une citation qui est citée par l'imam As-Sabouni avec une chaîne de transmission selon Umm Salama, la mère des croyants. Elle cite le verset « Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa » dans Surat Taha, le verset 5. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, s'est élevé sur le trône. Puis elle dit « L'istiwa » ce n'est pas quelque chose qui est ignoré, c'est-à-dire on n'ignore pas sa signification. Wal kayf ghair ma'qul, et le comment n'est pas, on ne peut pas le comprendre par la raison. Wal iqrar bihi iman, et de l'affirmer ça fait partie de la foi, et de le renier c'est du kufr, c'est de la mécréance. Donc ici le cheikh il commence par cette citation là, l'imam As-Sabouni. Il dit فالإمام الصابوني رحمه الله يبين عقائد أهل السنة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أئمة الإسلام ومواقفهم رضي الله عنهم الذين هم مرجع هذه الأمة في دينها وفي عقائدها بصفة خاصة. وفي بداية هذا الفصل ساق آيات من القرآن الكريم آيات الاستواء وآيات الصعود إلى الله تبارك وتعالى وآيات العروج إلى الله عز وجل هذه كلها من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته وأنه استوى على عرشه وهذه بعض الأنواع الكثيرة التي يستدل بها أهل السنة على إثبات هذه الصفة العظيمة وهي علو الله على جميع خلقه واستواءه على عرشه وقد كفروا من ينكر هذه الصفة صفه العلو وصفه الاستواء لانها من اعظم صفات الله سبحانه وتعالى او اعظمها. ولهذا تجد ابن القيم في كل كتبه تقريبا يلهج بهذه الصفات ولا سيما صفه العلو، والف فيها كتابا سماه اجتماع الجيوش الاسلاميه، والف فيها الامام الذهبي العلو للعلي الغفار، وابن تيميه الف كتبا يثبت فيها هذه الصفه ويسوق الادله الكثيره، كلهم يسوق الأدلة لقمع هذه الشبه التي يتعلق بها أهل الضلال. وأنواع الأدلة التي يندرج تحت كل نوع منها مفردات وأدلة، وأصلها وأوصلها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية إلى 21 نوعا، وأوصلها في الصواعق إلى نحو 40 نوعا من هذه الأنواع التي يندرج تحت كل نوع منها أدلة التصريح بالفوقية، يعني يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهو القاهر فوق عباده، ومنها التصريح بأنه رفيع الدرجات، ومنها التصريح بعروج الملائكة إليه والأرواح إليه ونزول الأمر منه وصعوده إليه سبحانه وتعالى وصعود الكلم الطيب إليه. هذه من الأنواع ويتبعها أدلة ويتبعها أفراد من الأدلة، وهناك أنواع لا يتسع المقام لذكرها ويرجع إليها في مواطنها، إذ أوصلها ابن القيم في الصواعق المرسلة إلى حوالي 40 نوعا. On va traduire jusqu'ici. Le cheikh il explique que donc l'imam al-Sabouni il clarifie donc la croyance des gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, premièrement en mentionnant les preuves du livre d'Allah, et ensuite avec les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il mentionne les paroles des imams de l'islam et de leur position. Donc, parce que les imams de l'islam sont une référence pour cette umma dans la religion et dans la croyance, de façon plus particulière. Et il dit donc que, au début de ce chapitre, l'imam al-Sabouni, il a mentionné les versets du Coran qui parlent du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé sur son trône et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, le fait que les anges s'élèvent vers lui, et le fait que il a élevé certaines créatures jusqu'à lui, et ainsi de suite. Toutes ces preuves-là établissent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures et qu'il est élevé sur son trône. Et ça fait partie de nombreux types de preuves que les gens de la sunna utilisent pour affirmer cette grande attribut, c'est-à-dire l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toutes ses créatures et le fait qu'il est élevé au-dessus de son trône. Et ils ont même déclaré mécréants tous ceux qui niaient cet attribut-là. Donc l'attribut de l'élévation, l'attribut du fait qu'Allah est sur son trône, et ça fait partie des plus grandes preuves, des plus grandes attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a écrit dans plusieurs de ses livres les différentes preuves à ce sujet-là, et il affirme en particulier cet attribut-là parce que c'est une des grands attributs très importants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans chacun de ses livres, il en parle, comme le livre Ijtima' Juyush al-Islamiyya dont j'ai parlé tout à l'heure, le rassemblement des armées musulmanes, les armées de l'islam. Dans ce livre-là, il ramène les paroles des imams, en commençant par les sahabas. Après, donc il mentionne les preuves du Coran, après il mentionne les paroles des Sahaba, après il mentionne les paroles des Tabi'in, après il mentionne les paroles des Tabi'in, après il mentionne les paroles des imams, et il va comme ça, génération après génération, mentionner les paroles des ulama d'Ahl al-Sunnah à travers les siècles qui ont supporté la position de la vérité au sujet de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône. Il parle d'un autre livre aussi qui s'appelle Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Et ça, c'est un livre écrit par l'imam al-Zahabi. Et c'est un livre qui est célèbre à notre époque. Pourquoi? Parce que l'imam Sheikh al-Albani, il a fait le tahqiq de ce livre. Et il a été publié à maintes reprises. Et dedans, il a mentionné les narrations authentiques au sujet de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala et au sujet du fait qu'il est sur son trône. Donc ça, c'est un livre très, très bénéfique de l'imam al-Zahabi. Et il y a également de nombreux livres de l'imam Ibn Taymiyyah dans lesquels, justement, il affirme cet attribut-là, le fait qu'Allah est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Et parmi ces livres, par exemple, Al-Risalatul Hamawiyya, il l'affirme dedans et il concentre beaucoup d'efforts sur l'affirmation de cet attribut-là. Il a aussi un livre qui s'appelle Al-Risalatul Murakushiyya, qui a été écrit pour les ulama de Marrakech, yani la région du Maghreb, hein, qui avait posé la question justement à Ibn Taymiyyah à propos de ce sujet-là. Et ça, c'est connu dans l'islam. Il y en a que les musulmans, à l'époque, quand ils avaient une question sur la religion, ils voulaient avoir une réponse de la part d'un grand savant. Alors, ils envoyaient quelqu'un pendant le hajj pour aller rencontrer ce savant-là et lui demander une réponse. Et le savant, il répondait. Et Ibn Taymiyyah, la plupart de ses livres, c'est des réponses à des questions. Il y en a Al-Risalatul Al-Wasitiyya, c'est une réponse à une question. Et Al-Risalatul Tadmuriyya, c'est une réponse à une question. Donc, Al-Wasitiyya, c'est les habitants de Waset. Al-Hamawiyya, c'est les habitants de Hama qui lui ont posé la question. Al-Tadmuriyya, c'est les habitants de la ville de Tadmur qui lui ont posé la question. Et il leur a répondu avec ce livre-là. Et Al-Risalatul Marrakushiyya, c'est les gens de Marrakech qui ont posé la question. Hein, le Maroc, il y en a les gens du Maroc qui ont posé cette question et il leur a répondu. Et il y a beaucoup d'autres livres comme ça qui, à l'origine, sont une question et Ibn Taymiyyah a répondu par un livre. Donc ça, c'est un exemple. Et le cheikh, il explique que dans tous ces livres, ces imams, ils ramènent des preuves, de nombreuses preuves tirées du Coran et de la Sunna pour établir la foi au sujet de ces attributs-là et pour réfuter les ambiguïtés et les mensonges des gens du faux et de l'égarement. Et il mentionne différentes catégories de preuves sur ces sujets-là. Et même que l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre « Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya », il a mentionné une vingtaine, 21 preuves, ou bien plutôt 21 types de preuves. Parce que des fois, quand on dit différents types de preuves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines preuves établissent l'affirmation de l'élévation d'Allah selon un certain point de vue. Hein, ou selon un certain argument. D'accord? Et on a mentionné la semaine passée l'exemple de la parole de Pharaon lorsqu'il a dit à Haman de lui construire une tour. Hein? Et donc il dit, « Oh Haman, construis-moi une tour pour que j'arrive, hein, que j'atteigne les limites des cieux et pour que je vois, est-ce que ce que Moussa a dit est vrai. » Il dit, je pense que c'est un menteur. Et les ulama, ils ont tiré de ce verset-là la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône et qu'il est élevé au-dessus des cieux parce que Pharaon a demandé ça et il ne l'aurait pas demandé excepté si Moussa lui avait accepté que Moussa lui a mentionné le fait que Allah était dans les cieux. Et sinon, il n'aurait pas eu besoin de demander ça à Haman. Donc ça, c'est une sorte de preuve. Mais c'est une sorte de preuve par déduction. D'accord? Et il y a d'autres types de preuves aussi lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les anges s'élèvent vers lui. Ou quand il dit qu'il a élevé, fait monter Isa vers lui. Ça, c'est la preuve qu'il est au-dessus. Hein? Puisqu'il élève les créatures vers lui. Et que les créatures s'élève vers lui. Il dit que dans As-Sawa'iq al-Mursala, Ibn al-Qayyim, il a mentionné jusqu'à 40 différentes sortes de preuves pour affirmer cette croyance-là. Et il a mentionné différentes preuves dans chaque catégorie ou dans chaque type de preuve. Par exemple, Cheikh Rabi', il explique ici, il dit, par exemple, « At-tasrih bil-fawqiyya », c'est-à-dire l'affirmation explicite du fait que Allah est au-dessus de ses créatures. Et il mentionne à ce sujet le verset 50 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux, et ils font ce qui leur est ordonné. » Et le verset 18 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi », c'est-à-dire c'est lui le contraignant au-dessus de ses serviteurs. Donc c'est la preuve qu'il est « fawq », puisqu'il y a le terme « fawq » qui est mentionné. Et « fawq », ça veut dire « au-dessus ». Il mentionne également, parmi les catégories de preuves, les preuves dans lesquelles il mentionne que il est élevé. Et il mentionne le verset 15 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Rafi'u darajat ». Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit dans Surat Ghafir comme étant « Rafi'u darajat ». Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est élevé au degré les plus hauts. « Rafi'u darajat ». Et il dit, parmi les preuves également, les catégories de preuves, il y a les preuves dans lesquelles il mentionne de façon explicite que les anges s'élèvent vers lui. « Ta'aruju al-mala'ikatu wa-ruhu ilayhi » Donc ça veut dire que les « al-uruj » c'est l'élévation. Donc les anges s'élèvent vers lui. C'est la preuve qu'il est au-dessus. Et « Ta'aruju al-mala'ikatu wa-ruhu ilayhi » donc « al-ruh » l'Esprit Saint. Et il dit et également qu'il descende de, qu'il descende avec son commandement, il descend par son ordre. Donc si les anges descendent avec ses ordres, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création. Et aussi As-Su'ud et le fait que les paroles, les bonnes paroles sont élevées vers lui, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des catégories de preuves qui affirme que Allah est au-dessus de sa création. Le Cheikh il dit wa min hadhihi min al-anwa', donc ça fait partie des différentes preuves et il y a d'autres également, il dit on va pas toutes les mentionner parce que il dit on n'aura pas suffisamment de temps pour toutes les mentionner, mais il dit celui qui veut les voir ces preuves là et ces différentes catégories de preuves, il a juste à retourner dans ses livres, dans le livre de l'Imam Ibn al-Qayyim As-Sawa'iq al-Mursala où il en a mentionné différentes catégories, plus que 40 différentes sortes de preuves au sujet de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh il dit وَهَذَا مِنَ الْأَدِلَّةِ الْجَلِيَّةِ هَذَا مِنَ الْأَدِلَّةِ الْجَلِيَّةِ عَلَى أَنَّ أَهْلِ السُّنَّةِ دَائِمًا عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّ خُصُومَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَأَنَّ عِنْدَهُمْ مُعَارَضَاتِ واعتراضات على أخبار الله الصادقة وأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام الصادقة واعتراضات وسفاهات يعني نعوذ بالله عقول فاسدة تعترض على الحق وتعترض على نصوص الكتاب والسنة ونصوص السنة الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والسنة الصادرة عما لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعترضون بصفصطاتهم وجهالاتهم على الله وعلى رسوله بل يخالفون العقل الصحيح والفطرة السليمة فشبهاتهم مرفوضة بالأدلة التي تبلغ ألف دليل من النقل والعقل والفطرة. هذه إشارة تأكيد لما سبق. Donc, ensuite il mentionne الأثر عن أم سلمة يعني في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. يعني نسبة هذا القول إلى أم سلمة فيه ضعف، ولكن يسوقه المؤلف للاستئناس. قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وإسناد هذا ضعيف إلى أم سلمة، ولكنه ثابت عن الإمام مالك رحمه الله وعن غيره من الأئمة مثل ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ مالك رحم الله الجميع، وثبت عنهم بالإسناد الصحيح أنهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. Donc le cheikh il explique que يعني ça c'est des preuves claires que les gens de la sunna ramènent qui montrent qu'ils sont toujours sur la vérité et que leurs opposants sont sur le faux et qu'ils ramènent toujours toutes sortes d'objections vis-à-vis des paroles d'Allah véridiques, hein, les paroles véridiques d'Allah et les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ce sont des objections et des paroles faibles, hein, et des arguments qui montrent que leur raison elle est corrompue en réalité, puisqu'ils essaient de s'objecter à la vérité qui est mentionnée dans les textes du Coran et les textes de la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 42 dans Surat Fussilat que le faux ne peut pas approcher le Coran ni par devant ni par derrière. Il est descendu de la part d'un sage digne de louange. Donc, il est protégé, ce Coran. Personne ne peut venir avec de la fausseté, hein, pour l'attaquer. Yani, peu importe de quelle direction il vient pour attaquer le Coran, yani, il n'est pas capable de l'attaquer puisque cette révélation, Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé. Et la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna. Non. La sunna, elle vient de qui? Cette sunna, elle vient de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parle pas selon ses désirs ou sa passion. C'est une parole qui est inspirée, qui vient d'Allah, qui est révélée de la part d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 3 et 4 dans Surat An-Najm. Et il ne parle pas selon la passion. C'est une révélation qui lui est révélée. Donc, ceux qui viennent avec toutes sortes de sophismes et de l'ignorance pour s'objecter à Allah et à son messager, ces gens-là, ils contredisent non seulement la révélation, mais ils contredisent également la raison qui est saine et propre, et ainsi que la nature qui est saine et qui est propre. Et donc, ils ont des ambiguïtés et des doutes, et toutes sortes de faux arguments qu'ils essaient de proposer ou de présenter. Et ces faux arguments-là sont rejetés par les preuves du Coran et de la Sunna et de la raison et de la fitra. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Ibn al-Qayyim il a mentionné qu'il y a plus que 1000 preuves, hein, qui affirment le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création. Donc ça c'est un des éléments parmi les éléments les plus clairs de la foi. Donc c'est essentiel pour un croyant d'être convaincu de ça. Et il cite cette narration qui est attribuée à Umm Salama, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, hein, radiyallahu anha, et dans laquelle elle dit, à propos du verset 5 dans Surat Taha, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône, et elle a dit, l'élévation sur le trône, elle n'est pas inconnue. C'est-à-dire, on connaît la signification de al-istiwa en arabe et que ça veut dire l'élévation d'Allah sur son trône. Et le comment, par contre, comment Allah s'est élevé sur le trône, on ne peut pas le comprendre rationnellement. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas le comprendre rationnellement. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est connu par la raison, mais c'est connu par la révélation. Donc, on accepte cet attribut-là et on y croit. C'est pas quelque chose d'inconnu dans sa signification, mais le comment, on l'ignore. Mais la foi, en cet élément-là de la foi, c'est une obligation d'y croire. Et ça fait partie de la foi. Et de le renier, c'est du kufr. C'est-à-dire, si tu nies que Allah est au-dessus de son trône, tu tombes dans la mécréance à ce moment-là. Et l'affirmation de cette, ou bien plutôt l'attribution de cette citation à Umm Salama, elle est faible. C'est-à-dire que la chaîne de transmission qui est entre Umm Salama et l'imam As-Sabuni, elle n'est pas authentique, cette chaîne de transmission-là. Il dit toutefois, cette citation en elle-même, même si elle n'est pas authentiquement attribuée à Umm Salama, elle a été rapportée par d'autres imams, comme l'imam Malik, rahimahullah, et d'autres également parmi les imams, le cheikh de l'imam Malik, Rabi'a ibn Abdurrahman, qui a dit cette parole-là également, et ces deux citations-là attribuées à Malik et à Rabi'a sont rapportées avec des chaînes de transmission authentiques. Et dans cette chaîne de transmission, c'est là qu'ils disent que l'istiwa ma'loum, l'élévation d'Allah sur le trône, elle est connue. Ou al-kayf ou majhoul, et le comment, on ne le sait pas, il est inconnu. Ou al-su'al ou anhu bid'a, et la question à son sujet est une innovation. Ou al-iman ou bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, par rapport à ce passage-là. Et on continuera la suite au prochain cours, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.